À George Sand, 8 janvier 1857. Ma chère mère, je n'ai l'intention ni de te contrarier, ni de te faire de la peine. Pourtant, je ne saurais m'abstenir de ma visite au cimetière de Nohant, le 13 janvier. Je ne me rappelais pas de t'avoir rien demandé. Il me semblait avoir seulement annoncé que j'allais au Berry le 13 janvier, et que j'irai passer une heure à la tombe de ma fille. Je ne connais malheureusement ni tes idées, ni tes notions là-dessus. Mais il est certain que je ne puis en contrarier ni en offenser aucune, par un acte si pieux et une visite que tu pourras ignorer, s'il te plaît de le faire. Je n'entrerai point dans ta maison, puisqu'il ne te plaît pas de me voir, et que tu as des raisons pour éloigner mon retour chez moi. J'ignore totalement ces raisons, et quoique tu n'aies pas jugé à propos de me les communiquer, je m'y soumets entièrement, quoique avec chagrin. Tu ne me verras donc pas, et n'entendras même pas parler de moi. Si même il te déplaît que je traverse ton jardin pour arriver jusqu'à elle, j'irai, par le cimetière, jeter des fleurs que j'emporte. Hélas, j'étais loin de prévoir, quand je l'emportais enterré là-bas, que cette tombe serait entre nous un sujet et un prétexte de discorde. Que ton cœur soit moins amer et plus juste pour moi.